Chers voyageurs, on approche tous ensemble de Noël et on se faufile dans la vallée des forfaits mobiles. Couvrez-vous, hein ! Ici, les prix descendent à 0€ ! Ah oui, 0€, c'est la magie de Noël ! Et ça fait surtout chaud au cœur ! Oui, oui ! À Noël chez SFR, il gèle sur les prix. Jusqu'au 7 janvier, le forfait starter est à 0€ par mois, puis 4€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois. Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui un petit coin de paradis, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Luciani, réalisée par Juliette Eman. Toute cette semaine, avant le début de la COP24, les antennes de Radio France, dont France Inter évidemment, vous proposent depuis lundi une série d'émissions, débats et reportages autour du climat et de l'environnement, le défi numéro 1 de l'humanité pour les décennies à venir. Après avoir parcouru le monde et l'histoire toute cette semaine pour vous expliquer les menaces climatiques, les pollutions, le risque nucléaire qui pèse sur notre Terre et sur nous tous, ses habitants, mais aussi les résistances et les luttes citoyennes, encadrées ou pas, nous revenons aujourd'hui en France et plus particulièrement à La Hague. Mais avant de partir dans le Cotentin avec notre fiction, voici quelques informations simples affichées sur les murs de Radio France afin que nous gardions en tête les raisons de mener une résistance écologique. Résistance, oui, le mot est fort, assumons-le. En 1975, l'épaisseur de la banquise recouvrant l'océan Arctique était plus épaisse de 65%. Les températures de l'Arctique augmentent deux fois plus vite que la moyenne mondiale. Les villes sont collectivement responsables de 60 à 80% des émissions de la planète et consomment 78% de l'énergie mondiale. Les scientifiques estiment que d'ici à 2050, le changement climatique entraînera une baisse de 16% des précipitations à travers le monde. D'après les estimations, 7 300 000 hectares de forêts sont perdus tous les ans. L'énergie solaire coûte 75% de moins qu'il y a 6 ans seulement. La disparition des forêts contribue à l'émission de gaz à effet de serre à raison de 12 à 17% du total annuel. Enfin, 26,5 millions de personnes sont déplacées tous les ans par les catastrophes naturelles, soit une personne à chaque seconde. Voilà pour cette sorte d'inventaire à l'après-verre, un peu dramatique, mais réel. Aujourd'hui, un petit coin de paradis, c'est le titre un peu provocateur de la fiction, nous amène dans le Cotentin, à La Hague, le plus grand site de retraitement des déchets nucléaires au monde. Après la fiction, et pour nous aider à comprendre les enjeux et les dangers du nucléaire, nous recevrons Pierre Barbet, membre fondateur bénévole de l'ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, association qui fut créée au lendemain de la catastrophe de Tchernobyl dans un contexte de défaut d'information et pour répondre à une très forte demande citoyenne. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ou taxi, ces dossiers ont tous un point commun, les lobbies. C'est symptomatique de la présence. Un petit coin de paradis de François Luciani. Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des lobbies. J'ai été menacée. C'est combien de temps ? Allô ? Allô, papa ? J'ai une bonne nouvelle. Oui. Ça a marché, je suis embauché chez Orano. J'ai vu la RH, on signe demain. Orano ? À La Hague ? Bah oui, Orano, chez Areva, quoi. Et puis j'ai une deuxième bonne nouvelle aussi, on a trouvé une maison. Déjà ? Mais où ça ? Pas très loin, tu verras. Cuisine américaine, trois chambres, jardin, vue sur la mer. Franchement très cool. Combien ? C'est pas donné, mais je crois que ça va le faire avec la banque. Je vois l'agence demain. On pourra dormir chez toi ? Oui, bien sûr, mais... On arrivera dans la soirée, le temps de faire la route. De Paris, ça fait une trotte tout de même. Alors... Vous allez vous installer dans le coin ? Bah oui, si tout va bien. On dirait que ça te fait pas plaisir. Si, mais tout va si vite là, d'un coup. Et puis Marie et moi, on a une surprise pour toi. Ah bon ? C'est quoi ? Mystère. Allez. Ah, tu sauras ce soir. Rien de grave pour moi. Mais non, c'est une surprise, je te dis. On sera là pour dîner, vers 8h, ça te va ? Vous voulez manger quoi ? On s'en fout. J'apporte une bouteille, on va fêter ça. À ce soir, papa. Soyez prudents. Ok, t'inquiète. C'est bizarre, il n'avait pas l'air si content que ça. Depuis la mort de maman, il est toujours un peu comme ça, taciturne. Pourquoi tu ne lui as pas dit que j'étais enceinte? Je préfère lui dire de vive voix. Et puis d'abord, c'est à toi de lui annoncer, non? Pourquoi moi? Parce que? Bah parce que quoi? Parce que, évidemment. Ok, on verra ça. En attendant, tu fais gaffe, tu roules doucement. C'est limité à 80, ok? Nous sommes ravis de vous accueillir parmi nous, monsieur de Kermadec. Je vous remercie. 31 ans, Centrale Supélec, docteur en technologie d'innovation. Franchement, vous n'avez pas traîné, félicitations. Aucun mérite, mes parents sont profs de maths. Cela n'enlève rien à votre valeur. Ça se discute. En tout cas, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous êtes plutôt le genre bosseur, non? Oui et non. Vous, c'est la logistique, n'est-ce pas? Oui, l'informatique appliquée au flux de matières premières. Chez Air Liquide, c'était du gaz, chez Total, du pétrole. Et maintenant, Rano... Et vous faites la différence? Non. Si c'était des petits pois, ce serait la même chose. Il faut que la marchandise arrive à bon port, c'est tout. Nucléaire ou pas. Au moins, c'est direct. J'apprécie. Ici, c'est pas le boulot qui manque, vous verrez. Votre contrat est prêt. Il ne vous reste plus qu'à paraffer la clause de confidentialité. Lâchez-nous la discrétion et de rigueur, vous savez. Cela ne vous a pas échappé, j'imagine. Non, bien sûr. Alors pourquoi n'avez-vous pas paraffé les annexes? Les matheux des têtes en l'air, c'est ça? Parfois, oui. Un peu, je vous l'avoue. Monsieur Alexandre de Kermadec, en sa qualité de cadre dirigeant, ingénieur data, est tenu à une obligation de discrétion professionnelle concernant toutes les informations portées à sa connaissance dans l'exercice de ses fonctions et dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts de l'entreprise. On est bien d'accord? Oui. Signez-la. C'est tout? Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, Alexandre. Vous permettez que je vous appelle Alexandre, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Je peux vous poser une question, Alexandre? Avec un si beau parcours, qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous enterrer ici, dans ce trou? La famille, madame. La famille? Oui. Et puis j'aime la mer, les bateaux, le grand air. La famille. Vous avez raison, c'est important, la famille, dans la vie. Vous êtes marié? Ma femme est médecin. Ah, à la bonne heure. Elle préfère l'air pur. Alors là, ici, pas de doute. Question grand air, vous serez servi. Elle rêvait de grands espaces. Et moi, je m'inquiétais pour mon père. Mon père, c'était un costaud. Je l'avais toujours connu vaillant. Rien ne lui résistait. Aujourd'hui, à 70 ans et quelques, on l'aurait dit usé. Depuis la mort de Clara, ma mère... Il semblait souffrir d'une de ces maladies qui n'a rien à voir avec l'âge. Un mal étrange. La solitude? Oui, peut-être. Mais surtout la douleur d'un deuil impossible à faire. Le doute, les silences, les mensonges, tout ce qui pesait sur les véritables raisons de la mort de ma mère, la femme de sa vie, y était pour beaucoup. Alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Qu'est-ce que t'en penses, papa? C'est bien. Sur les photos, il n'y a rien à dire. C'est une belle maison. C'est pas un peu cher? D'un certain côté. Tu viendras avec nous pour visiter? Tu connais tout ici. Si vous y tenez, mais... On dirait que tu t'en fous. Mais non, voyons. Mais tu sais, ici... Ici quoi? Bah, c'est plus comme avant. Tout est fichu. Papa, tu vas pas recommencer. Ça fait 10 ans maintenant. 10 ans que maman est partie. 10 ans qu'il n'y a pas moyen de passer une bonne soirée ensemble. Faut bouger, papa, la vie continue. Tu vas pas rester là à ruminer les choses du passé. Et tu deviens chiant, voilà. Vraiment? Ouais, chiant. À propos, Jean, on vous avait promis une bonne nouvelle, vous vous souvenez? Oui, alors c'est quoi? Bah voilà, vous allez être grand-père. Moi? Bah oui, vous, Jean. Déjà? Oui, déjà. Oh. Et c'est pour quand? Bah, le temps que... Ah, viens ici que je t'embrasse, ma fille. Oh, je suis tellement heureux. Tellement heureux. Oh, j'arrive pas à y croire. Un garçon, une fille? On ne sait pas encore. On préfère attendre. Si ça se trouve, ça sera ni l'un ni l'autre. C'est malin. Mais franchement, Alex, tu trouves ça drôle? Qu'est-ce qui peut être lourd parfois? C'était pour rire. À ta santé, papa. À votre bonheur, mes enfants. À vous deux et à la famille qui s'agrandit. Si ta mère était là, elle serait si contente. À la vôtre. Tu te sens de vivre ici ? J'en ai tellement marre de Paris. Au moins ici, on respire. J'ai l'impression d'étouffer. Pas moi. C'est le désert, ok. Il y a du boulot en pagaille. Au moins, je me sentirais utile. Pas comme à Paris. Il paraît que quand on attend un enfant pour la première fois, on pense toujours à ses ancêtres, ses origines. C'est vrai, ça ? Ça paraît normal, non ? Ma mère, tu vois, c'est une sportive. Elle était capable de nager des kilomètres ici, dans la baie. Même sous la pluie. Elle adorait le vent, les vagues, le large. C'était une femme incroyable. Elle est décédée d'une leucémie. Il n'y avait aucun antécédent dans la famille. Clara, elle est partie en 3 mois. Un cancer agressif, fulgurant, comme disent les spécialistes. La fatalité, sûrement. Il faut bien mourir de quelque chose, n'est-ce pas ? Moi, je sais qu'ils l'ont tué. Et comment ils l'ont tué ? Parce que ce sont des assassins. Mais viens, qu'est-ce que t'attends ? Allez, saute, voyons ! T'as la trouille ! Clara, tu sais très bien que je sais pas plonger. C'est bien ce que je dis, tu te dégonfles ! Espèce de trouillard ! Trouillard, moi ? Tu me traites de trouillard ? C'est ce qu'on va voir ! Oh, oh putain, elle est gelée. Oh, oh. Oh. Oh. Allez, viens. Viens, si t'es un homme, je vais te réchauffer. Allez, tu vas voir ce que tu vas voir. Ils ne nous ont jamais rien dit. Et ensuite, ils nous ont menti. Pendant plus de 13 ans, de 1950 à 1963, la centrale anglaise de Sellafield, juste en face de chez nous, de l'autre côté de la Manche, a régulièrement enfoui en mer, en toute légalité, plus de 17 000 tonnes de déchets radioactifs. Nous, on était jeunes, on ne s'est pas méfiés. On ne savait pas ce que c'était. On se baignait, on naviguait l'été pendant les vacances. Ces déchets, ils sont encore là, à quelques kilomètres d'ici. Juste devant nous, à Earth's Deep, au nord d'Origny. Ils sont là à portée de main, sous forme de fûts qui ne demandent qu'à s'éventrer avec le temps. On dit qu'ils ont une durée de vie estimée à plus de 100 000 ans. Ce paquebot dans le port, là, c'est celui de mon grand-père. D'accord. Mais, tu vois ouais, juste là. Oh, c'est beau. Alors, comment vous trouvez la vue ? Les couleurs sur la mer, c'est incroyable. Et encore, vous n'avez pas vu le matin côté sud ? C'est d'une beauté dans la bow window, vous n'imaginez pas. Pour le bébé, la lumière, c'est important. Mais vous avez raison, la lumière. Qu'est-ce qu'on voit là-bas, au loin, sur la gauche ? Là ? C'est l'usine de La Hague. C'est là où monsieur travaille, non ? Si près ? Il pourra même y aller à vélo. Oui, mais... Si c'est ça qui vous inquiète, autant vous dire que les frontières de l'usine ne bougeront jamais. Les limites des terrains sont définitives. Couler dans le béton, si je puis dire. Vous êtes sûr ? Le notaire vous le confirmera. Alors, on sera en sécurité. Alors là, ici, question sécurité, on est au top. Double vitrage, porte blindée, serrure 3 points, surveillance électronique. Les cambrioleurs n'ont qu'à bien se tenir. Vous avez un chien ? Non. Vous devriez. Prenez un bon chien de garde, un berger allemand ou un rottweiler. Ça calme les rôdeurs. De toute façon, ici, il n'y a pas de voleurs. N'est-ce pas, monsieur Jean ? Non, des voleurs ici. À part les grandes surfaces, j'en ai jamais vu. Vous voyez ? Même papy est d'accord. Quelle chance vous avez. Ici, vous allez être comme des coqs en pâte. Des coqs en pâte, bah voyons. Alors, prêt pour le grand bain ? C'est-à-dire que... Vous devriez vous dépêcher. Une affaire comme celle-là, ça va partir vite. 350 000 euros net vendeur, c'est une somme. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses, papa ? Bah, ça les vaut pas. Tu vois pas qu'elle essaie de te fourguer sa putain de bicoque à tout prix ? Tu m'énerves. Vous, Marie, vous êtes médecin, n'est-ce pas ? Vous allez ouvrir un cabinet. J'y pense, en effet. À vous deux, pour le prêt, ça devrait aller, non ? Et puis, Areva va sûrement vous aider. Orano, pas Areva. Orano, oui, c'est vrai. Excusez-moi. Moi, vous savez, j'ai connu l'usine quand j'étais gamine. Ça s'appelait Framatome. Ma mère y était femme de ménage. Alors, vous voyez. C'est vrai, ça. Pourquoi ils changent de nom tout le temps? Framatome, Kojima, Areva, Orano. Dès qu'il y a une sale histoire, ils changent de nom pour faire passer la pilule. De quoi tu parles, papa? La dernière histoire en date, c'était l'Auvergent. Un sacré fiasco. On croyait en avoir fini avec les scandales, mais non. Areva, les gisements d'uranium rachetés à prix d'or au Niger, inexploitables. Et puis l'EPR finlandais, toujours pas fini après plus de 10 ans de travaux. La facture, 4,5 milliards d'euros pour le contribuable. Sans parler de l'amende de 24 milliards pour corruption qui leur pend au nez. Alors, Orano, ils vont bientôt devoir changer de nom. Ils vont s'appeler comment? Qu'est-ce qu'il dit, votre père? Je comprends rien ce qu'il dit. Ne vous inquiétez pas, il est toujours comme ça. Un peu à côté de la plaque. L'Auvergent, Bouygues, la main dans la main. C'est du pareil au même. Ils bouffent tous au même râtelier. Papa, tais-toi, tu radotes. On n'est pas là pour ça, voyons. C'est vrai, ça, on n'a même pas vu les chambres. Allons voir les chambres. Ça vaudra mieux que de discuter dans le vide. N'empêche que moi, j'ai les pieds sur terre. Je sais compter. Allez, viens, papa. Je t'assure, tu deviens pénible, hein. C'est quoi ce bordel? C'est les déchets. Pardon? Les colis, tu connais pas? Tout est bloqué. On va mettre combien de temps pour rentrer? Je prendrais bien une douche, moi. Là, tu vois, les gros trucs blancs sur les camions, c'est ce qu'ils appellent des colis. C'est des putains de déchets de lague. Et ils promettent ça comme ça, à l'air libre. Les containers en béton sont absolument hermétiques. On fait ça depuis des années. C'est mon boulot, je sais de quoi je parle. Tu as raison. Ça fait des années. Des merdes qui arrivent chez nous, tranquillou, depuis toute l'Europe, Angleterre, Allemagne et même de Fukushima. Mais tu noircis le tableau, papa, tu n'y connais rien. C'est comme ça tous les jours? Bah oui, par la route, la mer et aussi par le train. Arrête, papa, c'est pas drôle. On dirait que tu fais tout pour qu'on s'en aille. Les 7 tonnes de matière nucléaire en provenance du Royaume-Uni sont arrivées à Cherbourg lundi. Le convoi doit rallier la Suisse d'ici jeudi, sa destination finale. Des militants anti-nucléaires étaient présents pour le déchargement. Greenpeace a demandé vendredi à l'autorité de sûreté. Alors Alex, comment ça se passe ce matin? Plutôt bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le logiciel est complexe. Vous avez jamais eu de problème? Non. Enfin, oui, mais... Mais quoi? Quand on en a des problèmes, ça reste entre nous, voyez-vous. C'est comme en famille, ça regarde personne. Et quand ça sort de la famille, il se passe quoi? Ça n'arrive jamais. Et si cela arrivait? On se la fermerait, point barre. On n'a pas le choix, vous comprenez? Ok, je vois. L'omerta, quoi. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Mais ça reste entre nous, n'est-ce pas? Promis, ça sortira pas d'ici. Si ces connards d'écolos arrêtaient de nous emmerder, ça irait beaucoup mieux, voilà. Vous imaginez si on n'avait pas l'usine ici? On ferait quoi? Vous pouvez me dire? On irait à la pêche aux écrevisses? On en serait à la bougie et à la voile? À traire les vaches? Les emplois, les écolos, ils s'en foutent. Mais pas nous, voyez-vous. À vue comme ça. Je vais vous donner un petit conseil, Alex. Faites comme moi. Regardez droit devant vous, jamais dans les coins, ça vaudra mieux. Et évitez de manger des fruits de mer et tout ira bien. Des fruits de mer? Oui, surtout les pinces de crabe, c'est bourré de becquerel. Les pinces de crabe? Oui. Et le homard aussi. Et les crevettes. Les crevettes, vous êtes sûr? J'en parlerai à Marie, vu qu'elle est enceinte, on n'est jamais trop prudent. Vous m'avez cru. Les pinces de crabe, oui, mais pas les crevettes. Si on croyait tout ce qu'on dit, mon pauvre Alex, on serait pas sorti de l'auberge. Vous voulez un café? Non, merci, j'ai encore du travail. Au fait, vous avez trouvé votre maison? Pas encore. J'ai oublié de vous dire, vous savez, mais Solange, l'agent immobilier, c'est ma belle-sœur. Ah bon? Quelqu'un de confiance, vous pouvez y aller les yeux fermés. Merci du conseil, j'y penserai quand je la verrai. C'est important la famille, n'est-ce pas? Oui, oui, la famille c'est... À plus tard Morgane. Ça te fait rien de dormir sur un lit une place? Tu pourrais quand même dire à ton père de faire un petit effort. Un sommier de 140, ça va pas chercher loin. Que veux-tu? Il est comme ça. Tout de même. C'est un rêveur. Il pense à rien. En plus, il a coupé le convecteur. On caille ici. Elle vient tout près. C'est qui, elle? Carrie Fisher. Mon actrice préférée. Tu connais pas? Si, bien sûr. Je l'avais pas reconnue sur la photo. Star Wars, L'Empire contre-attaque. Mais oui! Elle était géniale dans Harry rencontre Sally. Je l'ai vue, je devais avoir 17 ans. J'avais adoré. Belle histoire. Avec des gens qui croient en l'avenir. Tu crois en l'avenir, toi? Oui. Pourquoi? Tu crois qu'on peut avoir un avenir ici, toi et moi? C'est quoi ta question? Ici, tout est flou. Rien n'est franc. Alex, on dirait ton père. Nous deux, il faut aller de l'avant. Sinon, on fait du surplace, je sais. C'est lui qui t'inquiète? Un peu, ouais. Chaque année, un Français produit en volume de déchets radioactifs l'équivalent d'une demi-brique de lait. En 2016, la France était à la tête d'un stock de 1,54 millions de mètres cubes de déchets radioactifs, soit 85 000 mètres cubes de plus qu'en 2015. Le problème en majorité. Bonjour papa, bien dormi? Oui, bien sûr, et vous? Disons que... Oui, je sais, j'aurais dû y penser, mais j'avais la tête ailleurs. On avait remarqué. Tu as regardé dehors? Non. On dirait que le paysage bouge. Pardon? Oui, ça bouge. Comment ça, ça bouge? Ici, à droite, il n'y avait pas de colline hier. Tu plaisantes? Je te dis qu'elle n'était pas là hier. Ça a bougé. Papa, tu déconnes. Marie, t'as remarqué quelque chose depuis hier? Moi, non, rien. Non, mais franchement, j'ai rien vu bouger, moi. Parce que tu ne regardes pas. Tu vois, mais tu ne regardes pas. Moi, tous les matins, je fais un polaroïd depuis la fenêtre ici, dans la cuisine. Regarde. Et alors? Et alors quoi? Elles sont datées à la minute près. Hier, à 7h58, il n'y avait pas de colline. Aujourd'hui, à 7h59, il y en a une, comme à Terril. Comment tu expliques ça? J'en sais rien, moi. Eh, ça bouge, c'est ce que je dis. Le paysage bouge. N'importe quoi. C'est comme ça tous les jours. Et pourquoi il bouge, le paysage, à ton avis? Aucune idée. Des travaux, c'est tout. Les travaux à La Hague, c'est quoi, selon toi? Des travaux. Des plantations, du jardinage. Quel genre de jardinage? On n'en sait rien, nous. Des jardins japonais, genre Fukushima? N'importe quoi. On n'enterrerait pas des trucs par hasard en attendant de savoir où les mettre? Papa, je t'assure, tu m'énerves. Les piscines, elles débordent. Ils savent pas quoi en faire des déchets. Désolé, mais moi, j'ai les yeux en face des trous. Voilà la vérité. Que cela vous plaise ou non, j'ai les yeux en face des trous. Tu m'énerves. Tiens, je vais prendre l'air. Jean, vous permettez? Vous toussez beaucoup, n'est-ce pas? Pas plus que ça. Je peux voir votre cou? C'est quand même très enflé, non? Qu'est-ce que tu fais, papa? Il est tard. Rien. Yala, que je t'attrape, toi! Ah non, non, Jean, arrête de filmer, tu sais bien que j'aime pas ça. Non, non, mais arrête, je te dis. Ils ont tué ta mère, et toi tu bosses pour eux. Tu devrais avoir honte. T'as vu l'heure? T'es un pourri. Mon fils est un pourri. Voilà. T'as bu, c'est ça? Je dis ce que je sais. Tu n'es qu'un pourri, comme eux. Moi, un pourri? Tu traites ton fils de pourri? Oui, parfaitement. Un pourri. Tu perds la boule, papa. T'es complètement à l'ouest. Je fais mon métier. Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai de compte à rendre à personne. T'entends? À personne. J'y vois clair, ne t'inquiète pas. Même si ça te dérange. Mais t'es en pleine déprime, papa. Tu sais plus ce que tu dis. Je sais ce que je dis. Et je n'ai pas envie de me taire, tu entends? Ce sont des assassins. Et tu leur cires les pompes en esclaves avec tes beaux diplômes. Quand je pense que c'est ta mère qui t'a appris les maths, elle aurait mieux fait de cultiver les choux. S'ils nous avaient dit ce qu'ils faisaient, s'ils avaient eu le courage de nous dire la vérité, elle serait encore là. Aujourd'hui, je m'en fous. Je vais crever, comme les autres. Ni vu, ni connu. Personne n'y verra que du feu. Mais je pense à toi, mon garçon. À Marie, à votre enfant. Ici, on n'a aucun avenir. La mer est moisie pour 100 000 ans. Tu comprends ça? 100 000 ans. Tu me fais chier, papa. Tu vois, fiston, si je fais une erreur, t'en fais une autre. T'as juste oublié un petit détail. Le fric. Leur putain de fric. Le fric de ceux qui vendent du béton, du câble à tour de bras. Le fric de ces putains de lobbies qui ont tout intérêt à ce que rien ne change. Tous les matins, ils sont invités au petit-déj à l'Élysée ou ailleurs, à bouffer de la brioche pendant qu'on crève. Tu déconnes complètement, papa. Tu crois ça? Mais regarde autour de toi, ouvre les yeux. C'est que du fric, mon fils. Rien que du fric. Ils s'en foutent de nous. Tais-toi, papa. Tais-toi. Encore ? T'inquiète, c'est mon père qui déconne. Tu as vu la mine qu'il a ? Tu devrais faire un peu plus attention à lui. Mais je fais que ça. Il est tellement chiant. La toux, les ganglions. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait chopé un lymphome. Marie avait raison. Mon père n'a pas résisté beaucoup plus longtemps aux déchets d'Origny. Il est mort quelques mois plus tard. D'un cancer, agressif, fulgurant. Selon les spécialistes, rien à voir avec la hague, ni Hurts Deep, ni la centrale de Sellafield. Ni même les pinces de crabe, ni les crevettes, ni rien. Juste la fatalité. Il a lutté de toute son âme jusqu'au bout, mais il a pris le large, épuisé. Dans la nuit même où Louis a ouvert les yeux. Je sais à quel point il aurait été heureux de prendre sa main dans la sienne, cette petite main minuscule et parfaite. Comment il l'aurait aimé, Louis, de toutes ses forces, d'un amour pour deux, avec le souvenir d'elle, Clara, la femme de sa vie. Avant de partir, il m'a dit « Tu sais, ta mère, c'était un ange. On s'est connus ici, sous un parapluie. Elle aimait le vent, les balades, Brassens et les jours de pluie. Souviens-toi de notre amour, mon fils, et protège-toi. » Allez, viens, qu'est-ce qui t'attend? Il pleut, Clara, tu vois pas? C'est pas le moment de se baigner. Elle est gelée. Mais c'est normal, alors, Steve, c'est profond. Allez, viens. Il pleut, je te dis. Ah, tu veux un parapluie? Oh, un parapluie pour nager. Tu te fiches de moi, hein? On va vous regretter, vous savez. Depuis la mort de mon père, je n'ai plus aucune attache ici. Alors... Croyez bien que nous en sommes désolés. Des gens comme vous, on en a tellement besoin. C'est la faute à personne. Juste un mauvais alignement de planètes. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous direz à votre belle-sœur qu'on n'achète pas la maison non plus. Vous allez aller où? Je sais pas. Pour l'instant, avec Marie, on cherche un endroit clean pour élever notre enfant. Ça paraît idiot, voyez-vous, mais... on va prendre une année sabbatique et chercher quelque part. Un petit coin tranquille. Pour lui. Mais où ? Quelque part. Vous croyez que ça existe ? Sûrement. Un petit coin de paradis. On espère. Mais allez, viens, qu'est-ce que t'attends ? Clara, tu sais très bien que j'ai peur de l'eau. Mais alors, vas-y, fonce ! J'ai la trouille. Vas-y, bon sang, plonge ! T'as pas peur de la pluie tout de même ? Il pleuvait fort. Sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis. Elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie. C'était Un petit coin de paradis de François Luciani. Avec Hervé Furic, Jean, Benjamin Jungers, Alex, Florence Lecor, Marie, Mathilde Charbonneau, Solange Abretou, Marie Bouvier, Morgane Tourville, Valérie Moinet, Clara, et les voix de Ralph Rousseau, Cécile Ribot-Cayol, Sophie Lem. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Bernard Laniel, Dalia. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas heureux. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le jeu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec le feu. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat vieux. Et les nuages qui scindent le ciel, un peu. Le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas Dieu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas mieux. Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel vieux. Tu me ramènes quand je déraille les jours heureux. Le temps qui passe sans ton visage, c'est pas du jeu. J'aime pas compter, j'aime pas savoir qui gère le feu. Jouer entre nous, ça reste jouer avec les dieux. Au fond des corps, un cœur qui bat, ça se bat mieux. Et les nuages qui scindent le ciel en deux, le temps qui passe, ça n'a pas d'âge, ce n'est pas peu. Y aura de quoi faire des histoires, faire des envieux. Et au final, t'auras ta part, t'auras pas de bleu. Affaires sensibles, la fiction. Le 26 novembre 2005, devant l'usine de retraitement de La Hague, Yannick Rousselet, chargé de la campagne nucléaire à Greenpeace France, s'exprime. Et vous allez l'entendre, le constat est sans appel. La France dit avoir une politique de retraitement. En fait, elle a une vraie politique mixte, hein, c'est-à-dire qu'il y a retraitement et stockage. La réalité, c'est que de ce combustible irradié dans les centrales nucléaires, on a trois produits principaux. 1% qui est le plutonium, dont on a, ici dans l'établissement Kojima de La Hague, entre 70 et 80 tonnes de stockés. Après, on a 3% du produit initial, donc de ce combustible irradié, qu'on appelle les déchets ultimes. On va les vitrifier. Et là, ils sont mis dans des puits avant de les retourner pour une partie vers les pays étrangers. Mais l'immense majorité de ces blocs de verre est stockée ici à Kojima de La Hague. Et pour le moment, il n'y a pas de devenir. C'est ceux dont on parle hypothétiquement de mettre à Bure ou dans d'autres lieux de stockage. Hein. Et puis, il y a 96% du produit initial. C'est de l'uranium qui s'est appauvri pendant l'opération donc de passage en réacteur. Et cet uranium, eh ben, on n'en fait rien non plus. Cet uranium est retransporté à Pierrelatte, donc à nouveau des transports, avec tous les risques que cela engendre. Pourquoi faire pour en exporter une partie en Russie et en stocker une grande partie dans les mines de Bessine, dans les Limousin. Donc il n'y a pas de devenir. Aujourd'hui, l'idée du recyclage est un mensonge total. Et puis n'oublions pas non plus, à travers cette usine, que toute opération de retraitement génère une pollution dans l'environnement autour de nous qui est considérable. Alors ces cheminées qu'on a derrière nous, ben évidemment, on n'en voit rien sortir, parce que simplement, ça ne se voit pas, c'est translucide, de même que ce qui est rejeté en mer est translucide. Le discours de Kojima, c'est de dire que ce n'est pas un problème pour la santé, parce que c'est des doses infimes, etc. La réalité, c'est que cette contamination, elle existe. Et que moi, aujourd'hui, ce que mes enfants mangent en vivant à Cherbourg, ce n'est pas des moyennes. Non, la réalité, c'est qu'ils vont manger un kilo de moule un jour, et que si dans ce kilo de moule, il y a des radionucléides lourdes, il y a des vrais risques pour la santé. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui un petit coin de paradis. Notre invité, Pierre Barbet, membre fondateur bénévole de l'ACRO, l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest. Bonjour Pierre Barbet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence en biologie cellulaire à l'université de Caen-Normandie, spécialiste de la radioprotection, mais vous vous exprimez ici, ex-qualité, en tant que l'un des fondateurs de l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, dont l'acronyme est ACRO, créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl, association dotée d'un laboratoire indépendant d'analyse et de surveillance de la radioactivité dans l'environnement, et depuis la création de cette structure, vous agissez comme conseiller scientifique bénévole au sein de l'ACRO et vous êtes par ailleurs membre du Haut Comité pour l'information, la transparence et la sécurité nucléaire. Voilà, nous venons d'écouter une archive dans laquelle Yannick Rousselet de Greenpeace s'exprime et fait un tableau en 2005 de l'usine de retraitement de La Hague et des déchets nucléaires. Qu'est-ce qui a changé? Alors à part bien sûr le nombre d'entreprises de retraitement, à l'époque c'était la Kojima, c'est devenu Areva, aujourd'hui Orano, c'est pas l'essentiel. Qu'est-ce qui a changé, je vais dire par là? Est-ce que les risques sont mieux évalués aujourd'hui et donc mieux pris en charge? Alors ce qui a changé déjà, c'est l'objet même de cette installation nucléaire en Nord-Cantentin. Si on reprend des documents du CEA qui datent des années 60, faut rappeler quand même que cette usine a ouvert ses portes, a commencé à en fonctionner en 67. Et quand on regarde les documents du CEA de l'époque, on apprend des choses intéressantes. Ça s'appelait pas du tout une usine de retraitement, de blanchissement, ou de je ne sais quoi, c'était une usine d'extraction du plutonium. Ce qui souligne bien sa mission essentielle à l'époque, dans l'époque et dans la suite du programme nucléaire, militaire, c'est-à-dire extraire le plutonium d'abord à des fins militaires. Par la suite, ça a été extraire le plutonium pour les générateurs. Les surrégénérateurs n'ont pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on présente ça comme une opération salutaire de recyclage. Et Yannick Rousselet a tout à fait raison. Le rapport qui vient d'être publié par le Haut Comité pour la transparence souligne que ce recyclage ne porte que sur 1%. C'est complètement dérisoire. Il n'y a pas vraiment de justification à cette installation. Mais il y a au moins une information qui a évolué. Il y a eu la loi sur la transparence nucléaire en 2006, sous Jacques Chirac. Il y a les CLI, les comités locaux d'information, les commissions locales d'information. L'IRSN, de ce côté, l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire, sur son site, donne tout un tas d'informations. Est-ce qu'on a plus de transparence quand même aujourd'hui ? Ah mais c'est indéniable. Au moins du côté des autorités, des pouvoirs publics, le discours qu'on a eu à la suite de la catastrophe de Fukushima est franchement différent du discours qu'on a eu à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. On nous rappelle qu'on nous disait que le nuage était arrêté à la frontière, a présenté ses papiers, on lui dit vous rentrez pas en France. Quoi. Exactement, tout à fait. Maintenant, il y a encore beaucoup de progrès à faire, et notamment du côté des opérateurs. Ne serait-ce qu'un exemple tout récent. Vous voyez, récemment, l'ACRO a mené une campagne pour la publication d'un rapport, et il a fallu des semaines de bataille pour qu'enfin il soit rendu public, un rapport dont on avait connaissance, et qui montre aujourd'hui un des problèmes à laquelle la filière nucléaire est confrontée, c'est-à-dire l'engorgement des piscines. Contrairement à ce que dit l'opérateur en disant « non, non, on a de la marge, on a de la marge », c'est pas du tout vrai. Ce rapport nous montre qu'aujourd'hui, les piscines sont avec une marge de 7,4%, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème qui risque de bloquer s'il y avait un blocage des chaînes UP2-800 et UP3A, à un engorgement de ces piscines. C'est quoi les UP, s'il vous plaît ? Alors, à l'origine, c'était justement les usines de production de plutonium, et donc c'est aujourd'hui les deux chaînes de retraitement qu'il y a à l'usine. Mais Yannick Rousselet avait raison aussi sur un point qui est important, qui n'est peut-être pas bien perçu. Cette installation de retraitement, elle est très différente, c'est pas des réacteurs nucléaires. Non. Ça veut dire que vont aboutir à l'usine de La Hague tous les cœurs de réacteurs nucléaires. C'est l'étape, dans cette chaîne du combustible, c'est l'étape la plus polluante. Ouais. Si vous prenez par exemple les émissions dans l'atmosphère du carbone 14, les autorisations de rejet pour l'usine de La Hague, c'est l'équivalent de 40 réacteurs nucléaires. Donc ça veut dire que quand on dit le nucléaire, alors, y compris La Hague, oui, effectivement, c'est potentiellement dangereux, mais ce n'est pas polluant. Là, vous dites le contraire. Ah, mais complètement. C'est quand la pollution pour le tritium qu'on a très souvent dénoncé en Nord-Cotentin pour la pollution en particulier des nappes phréatiques, mais les rejets en mer de La Hague, en tritium, les rejets en mer, c'est bien plus que toutes les installations nucléaires de France qui seraient ensemble rassemblées à un même tuyau. Vous voyez, c'est effectivement une pollution sans commune mesure, oui. Donc le nucléaire ne relâche pas de CO2, donc ne participe pas au réchauffement climatique. Ça enraye, c'est réglé. Le nucléaire coûte moins cher, est-ce vrai ? Est-ce que l'électricité par le nucléaire, ça coûte moins cher ? Le nucléaire coûte moins cher, mais c'est aujourd'hui complètement faux. Je crois que si on revient à l'histoire qui était profondément scandaleuse quand on comparait le solaire produit à l'époque de René Dumont par une centrale Témis et le nucléaire qui était en pleine expansion, c'était une comparaison fallacieuse. C'est comme si on comparait une industrie automobile qui produit 10 voitures et l'autre qui en produit 10 000. Aujourd'hui, il y a une évolution considérable des coûts. Et aujourd'hui, le nucléaire, les coûts augmentent considérablement, ne serait-ce que parce qu'il a été imposé avec le grand carénage où il va falloir réinjecter des dizaines de milliards d'euros, alors que les coûts du renouvelable baissent parce qu'il y a une progression considérable du renouvelable. Mmh. Aujourd'hui, par exemple pour l'hydrolien, on doit être à 55 euros du mégawatt. Et à Hinkley-Point, EDF a négocié un contrat avec le gouvernement britannique, c'est 110 euros. C'est le double ? Exactement le double. Donc effectivement, le nucléaire, ce qui va d'ailleurs y mettre un terme un jour, c'est bien la question économique, la rentabilité, oui. Alors, oui, parce que c'est le nerf de la guerre tout le temps. D'un côté comme de l'autre. Tout de même, ce qui nous préoccupe le plus, et pas tout de même d'ailleurs, dans cette logique-là, c'est les dangers nucléaires. Je vous pose la question, alors de façon tout à fait simple, est-ce qu'un Fukushima est possible en France, aujourd'hui ? Mais tout à fait, tout à fait. Et lorsque, effectivement, après Tchernobyl, on a commencé à dire « ce ne serait pas possible en France parce qu'on a des ingénieurs, on a des compétences, etc. » Là, après Fukushima, on ne peut plus du tout tenir. Et je crois que même les autorités, je me souviens du discours d'André-Claude Lacoste et de Christophe Niel, qui reconnaissaient qu'effectivement, un accident nucléaire est possible en France. Il faut le dire. Tout à fait. Bien. Pierre Barbet, merci. On va se retrouver, on se quitte pas, hein. On va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Dominica qui chante Cette circonstance, les éoliennes. Regarde les éoliennes, mon amour, comme elles sont belles, comme le ciel est changeant et le vent impatient de jouer dans tes cheveux, et de faire plisser tes yeux pour goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin. Peut-être son souffle est-il plus doux que mes mots d'amour, mes yeux de fou. Peut-être aimerais-tu tourbillonner sous son aile sans moi. Pour t'agripper, tu vois, je suis jaloux de tout. Jusqu'au vent qui t'effleure, jusqu'au vent qui t'effleure. Regarde les éoliennes et comme le vent les entraîne à elle-même faire le vent, insistant que tu sens. Jouer encore dans tes cheveux et refaire plisser tes yeux et goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin. Pierre Barbet, on se retrouve pour parler du nucléaire, des dangers réels ou supposés du nucléaire, de son prix, et puis de la sortie du nucléaire, on y reviendra après. On parlait de pollution tout à l'heure, et on battait en brèche ce qui est apparemment un lieu commun, que de dire que l'industrie nucléaire n'est pas polluante. Vous avez non seulement des arguments, mais des faits réels qui nous disent le contraire. Oui, notre association est dotée d'un laboratoire de surveillance dans l'environnement. Et ce que nous avons mis en évidence très récemment ces deux dernières années, qui est quelque chose d'assez inquiétant à mon sens, c'est une tâche de pollution de l'environnement dans le domaine public. Et là, nous avons découvert un cocktail de radionucléides. Alors, parmi les plus radiotoxiques, c'est du strontium, c'est du césium, c'est du cobalt. À longue vie. À très longue vie. Mais c'est aussi de l'américium 241, 400 ans de période. C'est du plutonium 239, c'est 24 000 ans de période. Vous voyez, et on a publié nos mesures récemment. Et le drame, c'est que à partir de documents que nous avions, documents confidentiels, on ferait remonter cet accident à la période de 1973. Donc vous voyez cette période d'exposition qui n'était pas connue et qu'on met en évidence maintenant grâce à notre réseau de surveillance. Alors justement, vous parlez de réseau de surveillance. L'IRSN notamment a mis un maillage, a mis en place une espèce de maillage, enfin un maillage de la France et de la surveillance. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter de ce que nous dit, par exemple, l'IRSN, qui paraît quand même assez honnête. C'est un organisme créé par l'État, mais qui n'est pas forcément totalement pro-nucléaire, qui dit les choses. Ça suffit pas. Ben disons que nous sommes parfaitement complémentaires. Pas de critique à émettre par rapport à ce que fait l'IRSN. Non, moi non plus, mais je dis pourquoi l'un et l'autre, quoi. Tout à fait. Non, je pense que l'IRSN a bien évolué, a mis en œuvre une politique d'ouverture à la société qui est nouvelle et c'est très bien. Nous travaillons nous-mêmes beaucoup avec l'IRSN sur certaines occasions. Mais nous nous appuyons sur une démarche citoyenne en interaction avec les citoyens. C'est pas une démarche institutionnelle, c'est une démarche associative. Et citoyenne. Alors, la grande question que l'on se pose, aujourd'hui, c'est un vrai boomerang quand même, parce que la France est lancée avec le général de Gaulle dans une politique d'indépendance énergétique qui passait par le nucléaire. Et on est allé tête baissée en France, puisque aujourd'hui on a 58 installations sur un territoire qui n'est pas si grand que ça. Donc maintenant c'est encore plus difficile de faire marche arrière. Mais il semble bien maintenant qu'on parle de sortie du nucléaire. C'est une grande question. Alors les tenants de l'atome nous disent mais ça va être long, c'est cher, voire c'est pas possible. On peut sortir du nucléaire et comment on en sort intelligemment? Alors, si vous voulez, il faut déjà rappeler un peu quelques chiffres. Déjà, le nucléaire dans la part mondiale de production d'énergie, c'est 2%. Dans la part de production d'électricité, c'est 10%. En Europe, c'est 25%. En France, c'est 75%. Absolument. Donc, on est toujours dans la même logique en France. On met tous nos œufs dans le même panier. Voilà. Après le tout charbon, après le tout pétrole, le tout nucléaire. C'est insensé. C'est un problème de panier énergétique. C'est complètement. C'est insensé. L'avenir, il est bien dans les énergies alternatives renouvelables qui sont inépuisables, beaucoup moins polluantes. Et ce qui mettra fin au nucléaire, alors à part une catastrophe, un Fukushima en France, ce que je ne souhaite pas, mais ce qui mettra fin au fin nucléaire, c'est justement cette question économique. Oui, parce que le nucléaire va continuer à augmenter, le coût du mégawatt va continuer à progresser. Regardez ne serait-ce que le père de Flamanville. Il a 6 ans de retard. Il est parti avec un projet budgétaire de 3,6 milliards d'euros. On est aujourd'hui à 11 milliards d'euros. Regardez le centre prévu de Cigéo à Bure. Les exploitants nucléaires l'avaient estimé à 12-15 milliards. L'ANDRA l'a estimé à 35 milliards. Le gouvernement a tranché au milieu, il a dit ça sera 25 milliards. C'est des coûts faramineux, cette question-là. Alors, avant de sortir du nucléaire, si on en sort, on verra bien comment, faut bien faire avec les centrales qui fonctionnent encore. Donc ça pose le problème de la sûreté nucléaire. Nos centrales sont pas toutes jeunes. Est-ce qu'il y a un risque de sûreté des installations nucléaires en France ? Il y a un risque avec ce vieillissement des installations nucléaires, y compris parce qu'il y a des composants qui vont finir par manquer si des sociétés, et même pour certaines sociétés que l'on peut retrouver aujourd'hui en Chine, ce qui me permet de douter de la qualité, c'est effectivement des problèmes de sûreté nucléaire qui existent réellement. Et avec le vieillissement, ils ne vont pouvoir qu'augmenter. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, le démarrage du programme nucléaire, c'est 73, avec une vague de production de réacteurs. L'âge moyen des réacteurs est de 30 ans. Ils étaient initialement prévus pour 40 ans. Donc, on arrive pratiquement à leur terme. Alors aujourd'hui, EDF veut prolonger, mais avec ce risque qui touche à la sûreté, bien évidemment. Et quel est le talon d'Achille de la sûreté nucléaire, précisément, en France, dans nos installations? Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes et qui génère le plus de soucis? Alors, ce qui génère peut-être le plus de soucis aujourd'hui, c'est aussi un problème de sûreté, mais c'est surtout cette question des déchets radioactifs. Voilà. Je pense que là, on a aujourd'hui un amoncellement des déchets radioactifs, que le démantèlement va conduire à produire encore plus de déchets radioactifs et plus de rejets dans l'environnement. Si vous voyez la dernière autorisation pour l'usine de La Hague, vous avez une colonne autorisation de rejets normaux en fonctionnement. Et on a rajouté une colonne à côté qui va additionner les rejets pour le démantèlement qui est commencé dans l'usine de La Hague. Donc effectivement, les rejets à l'avenir, je pense, avec le démantèlement vont augmenter. Et quant aux déchets nucléaires, ils vont continuer à s'accumuler et sans forcément de solution pour certaines filières. Dernière question, Pierre Barbet. Qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi vous vous êtes investi de cette façon citoyenne? Vous avez raison, citoyenne, oui. Au départ, il faut bien le dire, c'est les questions d'éthique. Moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'a fait courir dans les années 70, à l'époque de René Dumont, c'est cette problématique d'éthique. C'est-à-dire que si on remonte aux Gaulois, aux Romains et même au Moyen-Âge, eh bien, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé? Des trésors, des vestiges archéologiques. Nous, qu'est-ce qu'on va lancer? Pour notre confort personnel, aujourd'hui, on a fait des choix, et notamment ce choix du nucléaire, et on va laisser aux générations futures un cadeau empoisonné. Ce ne sera pas des vestiges archéologiques, ce sera un cadeau empoisonné, et qu'ils auront pour des millénaires et des millénaires. Surtout à Bure, à 500 mètres de profondeur. Exactement. Très bien. Merci infiniment, Pierre Barbet. Au revoir. Je vous remercie. C'était Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, Un petit coin de paradis. Une fiction écrite par François Luciani, réalisée par Juliette Eman. Émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Nioro. Programmation musicale Muriel Perez. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe et Vincent Godard.